cours numéro 22. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فانتهينا في درسنا الأخير من حديث النزول ولله الحمد فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير لسن صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى on a la conviction أنه يدسن عز وجل et le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a informé أن الله سبحانه وتعالى يدسن le dernier tiers de chaque nuit وقرأنا كذلك كلام مفيد الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح ورد فيه على أهل التحريف ceux qui prétendent que المراد بالنزول نزول الرحمة أو نزول الملك ملك من الملائكة أو نزول الأمر والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح إلى ديتاي قليلا et on a lu son كلام ولله الحمد et celui qui veut approfondir le sujet فالإمام ابن تيمية رحمه الله له un كتاب نافع في هذا الباب شرح حديث النزول شرح حديث النزول إلى expliquer حديث النزول رحمه الله ف celui qui veut un مرجع une référence في هذا ف le livre de l'imam ابن تيمية رحمه الله فيه خير ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته متفق عليه هذا الحديث تقدم معنا في شرح رياض الصالحين في كتاب التوبة ولله الحمد والإمام ابن تيمية رحمه الله l'a cité هنا pour montrer أن الله عز وجل متصف بصفة الفرح لله أشد فرحا donc le hadith est clair النبي صلى الله عليه وسلم il a montré أن الله سبحانه وتعالى يفرح والفرح معروف فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن فالله سبحانه وتعالى يفرح لهذا الحديث on lit bien le début بالفتح لله سلام الابتداء كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فسي با لام الجر on dit pas لله هنا لا on dit لله أشد فرحا قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله تعالى وهذا فرح جود وإحسان لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده من جميع الوجوه ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمة الله وإحسانه ويكره لهم ضد ذلك نعم لا شك أن هذا الفرح سأمبليك أن الله سبحانه وتعالى يحب لعبده المؤمن الخير الله أشد فرحا بتوبة عبده et qui c'est qui a وفق هذا العبد للتوبة فسي التواب سبحانه c'est Allah عز وجل qui a facilité à هذا العبد de faire cette توبة et Allah سبحانه وتعالى يحب التوابين فلهذا الإمام السعدي رحمه الله il a cité هنا الفضل قال فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسبابا وبينها لعباده وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها ونهاهم عما ينافيها ويمنعها فالله سبحانه وتعالى جعل لرحمته وكرمه أسباب نعم pour que الله سبحانه وتعالى nous fasse miséricorde في الدنيا وفي الآخرة Enfin, il y a des causes que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a démontrées. Et parmi les plus grandes causes, c'est de faire tawbah. C'est de demander pardon. C'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. قَالَ فَإِذَا عَصَّوْا وَبَارَزُوهُ بِالذُّنُوبِ فَقَدْ تَعَرَّضُوا لِعُقُوبَتِهِ الَّتِي يُحِبُّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لَهَا نعم فإذا تعرضوا لعقوبته لا يحب منهم أن يتعرضوا لها. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المعصية. الله سبحانه وتعالى تتسكن بديزوبيس. قال فإذا رجعوا إلى التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدر. فلهذا الله سبحانه وتعالى إلّم ويفرح quand son عبد يتوب. Et il délaisse la ma'asiyah. Et il adore Allah Azza wa Jal seul. قال فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض فلا. أرض فلا أي une terre désertique مهلكة وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام وشراب وركوب فأيس منها وجلس ينتظر الموت فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ بخطامها. كما تقدم معنا في شرح رياض الصالحين أن هذا الفرح فرح عظيم. أي cet homme qui a perdu sa monture dans une terre désertique. Et cette monture, il y avait toutes ses provisions sur cette monture. Son eau, sa nourriture. فذهبت. Sa monture, elle s'est sauvée. Il n'a pas pu la rattraper. Et cet homme, il s'est retrouvé seul dans cet endroit. Et il s'est allongé et il attendait la mort. Dans ce cas, l'insan, il ne peut pas survivre. Illa an yasha Allah subhanahu. Quand il s'est posé, il s'est allongé. À un moment, il a ouvert les yeux et il a trouvé sa monture à côté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala rahima hadha al-abd. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait miséricorde à cet homme. Cet homme, min shiddati al-farah, comme a dit le hadith, il a dit Allahumma anta, comme il a cité Cheikh Saadi. On va lire son kalam, inshallah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Fa Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu farahan. Anta essaye de tatasawwur. Et fait la haqiqa, on pourra pas ressentir ce que cet homme il a ressenti, sauf si wahed, il a vécu cette situation. Un dhiq shadid, une situation désespérée. Al-insan rubbama yadhun annahu il va mourir. Thumma al-faraj min Allah subhanahu wa ta'ala yati. Là, chaque être humain, il se réjouit. Il est content de hada. Enfin, cet homme, il était très content. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ashaddu farahan. Fatasubur hada, en Allah subhanahu wa ta'ala, ashaddu farahan, quand son abdi fait tawbah. Fali hada, tawbah, c'est une rahma azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'efface tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib celui, il aime celui qui se repent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yafrah. On ne doit pas se priver. At-tawba fiha khayr. Le mal, c'est dans le fait de la repousser. Le mal, c'est dans le fait de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous pardonnera pas. Le mal, c'est de continuer à faire des péchés et de ne pas se repentir. Amma, celui qui fait tawba sincèrement, avec certaines conditions, bien sûr, qu'on a détaillées dans Sharh Riyad Salihin, fahada, inshallah ta'ala, il sera ala khayr. Qala al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, وكاد الفرح أن يقضي عليه وقال من الدهشة والشدة الفرح tellement qu'il était content. Il a eu du mal à se contrôler et il a dit هذا الكلام et il s'est trompé. اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس. الآيس c'est celui qui désespère. نعم. القنوت واليأس c'est le fait de désespérer. قال أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه. الحديث له في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في الحاشية. قال فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. هذه النعمة المؤمن ne doit pas oublier. بل المؤمن الواجب عليه الشكر أن ربنا عز وجل كريم ورحيم ورؤوف وحليم. يا الله سبحانه وتعالى c'est التواب, c'est le غفار, c'est le غفور. C'est une نعمة عظيمة. Même tu t'es trompé, même t'as glissé, même t'as faibli, même tu t'es égaré. N'oublie jamais أن الله عز وجل كريم ويحب التوابين. Donc on doit s'efforcer et s'encourager à toujours se repentir. قال وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات. Après avoir cité le sens du hadith et les bienfaits بإختصار de التوبه, Cheikh Sa'di rahimahullah قال وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات. فهذا الفرح ثابت لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا ستتخبي الفرح. لكن ولله الحمد مذهب أهل السنة والجماعة أن les attributs d'Allah سبحانه وتعالى bien sûr ils ne ressemblent pas aux attributs des êtres humains. فالإنسان quand il est content لما يفرح, et on a un exemple dans le hadith avec cet homme, Anahu, peut-être qu'il perd ses moyens, peut-être tellement qu'il est content, il fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. هذا معروف في الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى يفرح لا كفرح المخلوق. Et ça c'est une règle. فلهذا قال أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات. لماذا؟ لأن هنا الفرح نسب إلى الله سبحانه وتعالى وضيف إلى الله. لله أشد فرحا. أي وصف لله dans le hadith. فرحاً أي سان وصف لله أي الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوصف et vu que الله سبحانه وتعالى ne ressemble pas à la créature ses attributs ne ressemblent pas à la créature قال فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته فسببه الرحمة والإحسان وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين فعلى كل حال أن هذا الفرح خاص بالله comme tous ses attributs. On a étudié ولله الحمد depuis le début de ce livre. On s'est rappelé plutôt plusieurs règles qu'on a étudiées ensemble auparavant dans القواعد المتلى ولله الحمد. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه dans son شرح فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. Et هذا c'est très très important. لأن بعض المنحرفين يقولون tu peux pas dire que Allah سبحانه وتعالى يفرح. Tu peux pas dire qu'Allah سبحانه وتعالى a cet attribut. فsi on demande pourquoi, ils vont dire لِأَنَّ الْفَرَحْ le fait de se réjouir, d'être content, c'est un attribut d'être humain et ça implique telle chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, on ne peut pas lui attribuer هَذِهِ الظِّفَةِ في هذا الحال, on ne doit jamais oublier مثل هذا الكلام. نُؤْمِن نحن, pourquoi on croit أن الله عز وجل له فرح لماذا؟ لأن أعلم الخلق به وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام c'est le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام comme il a démontré Cheikh Ibn Uthaymeen عليه رحمة الله celui qui connaissait le mieux Allah سبحانه وتعالى celui qui conseillait le plus la umma celui qui était le plus éloquent qui maîtrisait le mieux la langue arabe c'est le meilleur des êtres humains عليه الصلاة والسلام c'est notre prophète وَنَطْرَ بْرَفَتَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا Donc نحن نقول الله سبحانه وتعالى يفرح On a une preuve في هذا الحديث لكن comme toujours في هذا الباب أن القوم ils ont fait ressembler الله سبحانه وتعالى à la créature لماذا لأنهم ils ont comparé les الفاظ اللفظ c'est le même اللفظ c'est le mot Maintenant, l'être humain yafrah. L'être humain, il se réjouit, il est content dans certaines situations. Et Allah subhanahu wa ta'ala yafrah. On a un délil. L'Allahu ashaddu farahan. Lakin, ils ont oublié, ou ils se sont plutôt écartés de la vérité en négligeant que deux mots, même s'ils ont les mêmes lettres, farah et farah, c'est pas forcément le même sens. Limadha li'anna ce mot, tu dois regarder au rifa ilaman. وهكذا tous les attributs qu'on a vus auparavant. ففرح الله سبحانه وتعالى c'est pas comme فرح المخلوق. On répète, on a accepté هذا pour la vie. الله سبحانه وتعالى c'est le حي. Et l'insan, il est حي. Allah عز وجل قال يخرج الحي من الميت. Donc il a bien appelé l'être humain al-hayy. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال الله لا إله إلا هو هو الحي القيوم. Et Allah c'est l'hayy. Est-ce qu'on compare les deux vies? Personne ne compare. C'est pour ça que même les égarés qui ont déformé beaucoup de sifat et qui ont rejeté beaucoup de sifat, أيمن المحرف الأشاعرة, ils ont accepté صفات الحياة sans faire cette comparaison. فلماذا pour le farah on n'accepte pas? C'est quoi la différence? Alors que al-farah c'est un attribut d'Allah عز وجل et la vie c'est un attribut d'Allah سبحانه. فانتبه لهذا. قال شيخ العثيمين رحمه الله ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفرح والمراد بفرحه إثابته التائب. إثابته أي ça vient de الثواب, أي pour eux الفرح c'est que Allah سبحانه وتعالى va récompenser son serviteur. فقوله لله أشد فرحا أي Allah سبحانه وتعالى il va récompenser ce عبد. هكذا ils ont expliqué. قال أو إرادة الثواب. أما الثواب c'est مخلوق. La récompense, elle est créée. S'ils disent le récompense par le paradis, enfin, le paradis, il est créé. Donc, expliquer Al-Farah qui est un attribut par une créature, c'est grave. Alors, par exemple, ils disent « iradatu thawab ». Pour pas tomber dans cette erreur, ils disent « iradatu thawab ». Ils ont accepté ces faits l'irada. Et vous avez remarqué que beaucoup d'attributs, ils l'expliquent par « iradatu » une chose. مثلاً, « al-mahabba iradatu thawab ». الغضب إرادة العقاب etc. Ils expliquent beaucoup de ces faits par l'irada. قال ويثبتون الإرادة أو قبل ذلك أو إرادة الثواب لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب ويثبتون الإرادة ويقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب. Ahum, ils disent, al-farah, imma, c'est la récompense elle-même, imma, Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut récompenser ce abd. Hada tahrifun. Limada, li'anna nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'était, et c'est, afsah al-nas, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait voulu dire, iradatu al-farah, il l'aurait dit. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il aurait pu lui révéler si c'était vraiment ça. Lakin, le hadith, il est précis. Et on doit donner de l'importance au texte, que ce soit le Coran ou le hadith. Pourquoi? لأن الله عز وجل c'est l'alim, c'est le khabir. Il a révélé les textes avec des formules précises, des mots précis, des phrases précises, avec un sens immense. أما هكذا délaisser الظاهر, l'apparence du texte sans aucun délil, alors qu'il n'y a aucun problème. هذا ça montre l'égarement et les passions. C'est pour ça que كثير من الناس يتلاعبون بالنصوص. C'est pour ça qu'à notre époque, et كذلك avant nous, lakin à notre époque encore plus, beaucoup de gens, ils font ce qu'ils veulent avec les textes. Quand ils veulent autoriser une chose, ils prennent un texte et ils le déforment comme ils veulent. Ils lisent le hadith qui montre clairement maintenant que c'est interdit. Thomas, ils disent, mais kada, la compréhension, c'est kada, un tel, il a dit. À la fin, c'est quoi le résultat? Anna, cette chose, elle est permise. Alors que dans le texte, c'est clair que c'est haram. Les mains, ils ont autorisé la musique. Ils disent la musique c'est halal. Beaucoup de textes disent la musique c'est haram. Ils sont très très clairs. La musique c'est haram, ils disent là, c'est halal. Quand tu leur montres des textes, ils disent mais ça veut dire kada. Bel wallahi wa'aduhum hatta al-jarimatu al-azima, qui est rejeté par al-aqil, par celui qui a une saine nature, al-fitra, l'homosexualité. Ba'aduhum hatta hada, ils disent là, il n'y a pas de texte. Et s'il n'y a pas de texte, la base c'est que c'est permis. Ces deux exemples pour vous montrer celui qui ne veut pas le haq et celui qui suit ses passions, tu peux lui emmener un texte clair et il va le rejeter, il va te dire c'est pas authentique. Si c'est authentique et il se prétend musulman, maintenant c'est un verset du Coran ou c'est un hadith dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, un tel il a dit mais la compréhension il a akhri. C'est pour ça que c'est très très important de revenir au salaf. Et c'est ça la différence entre as-salafiyoun, ahl-sunnah et ahl-ahwa. Nous, on a des textes et on a tous les mêmes textes. Tous ceux qui se prétendent musulmans, on a tous les mêmes référents. Le Coran et la sunnah du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. À cause des passions, ils expliquent ces versets ou ces hadiths comme ils veulent. On a cité des exemples et on peut en citer beaucoup. بعضهم يديز الربا سي حلال دون تلك بعضهم بعضهم يديز لكن سي اون ريفيان لا كومبريهنسيون دي السلف سا فا نو زونيفي اي اون اورا توس لا ميم كومبريهنسيون اي كذلك السلف ولله الحمد سيتي سو كي اون لو بلوس سويفي لا فيريتي اي الله سبحانه وتعالى زكاهم اي الصحابه رضي الله عنهم اي النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم لي 3 جينيراسيون ابري لوي فالخير سيت ا سيت ايبوك. Et celui qui veut le khayr à notre époque, il est obligé de suivre al-ra'il al-awwal, les premières générations. Fi hadha al-bab aw fi ghayrih. Enfin, si on revient à sifatul farah, est-ce que l'imam Malik rahimahullah ou l'imam Shafi'i rahimahullah ou avant eux l'imam Sufyan al-Thawri ou Abdullah ibn Mubarak ou al-Hassan al-Basri ou Sa'id ibn Jubayr, haoula al-a'imma al-kibar أو الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين أسكو واحد من هؤلاء قال الفرح سي لا ريكومبونس tu trouveras jamais هذا لماذا لأنهم ils ont accepté ces textes qui sont en arabe clair ils ont accepté أن الله سبحانه وتعالى يفرح أين المانع والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله المستعان قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ونحن نقول المراد بالفرح الفرح الحقيقي أو الفرح حقيقة مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا donc c'est un فرح حقيقي الله سبحانه وتعالى يفرح حقيقة comment الله أعلم on ne sait pas comment est-ce que c'est comme le فرح qu'on connaît fil makhlouq abadan Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble pas aux créatures amma min al nahiya al maslakiya yun fa'ida adi yun fa'ida adima ka shaykh al-Uthaymeen ila sitte qala yufiduna ay hadha al hadith an nahris ala al tawba ghayat al hirs kullama fa'alna dhanban tubna ila Allah limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala yafrah ila shak si Allah subhanahu wa ta'ala yafrah ça va impliquer qu'il aime hadha al fi'l Et nous avons nuthbit sifat al-farah et nuthbit kadhalik sifat al-mahabba. Pourquoi? Parce que Allah qala inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah il aime ceux qui font tawba wa yafrah li dhalik avec ce hadith. Falhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah al-azima. Wa ba'dhuhum kama qala al-shaykh al-alama Muhammad Khalil al-Harras rahimahullah fi sharhih ila sharh jamil jiddan. Il est mukhtasar إلى الطيب خاصة العبارة عبارته قوية إلى اللغة العربية clair et il est très très éloquent فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسره un jour on lise هذا الشرح فإنه مفيد جدا قال رحمه الله أما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي تقدم معنا صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه أن المحرف يديز أن الرضا سي إرادة الثواب الرضا سي إتخو ساتيسفي فالله سبحانه وتعالى إلى هذا الوصف إلى ساتيسفي دو سيغتين بيغسون دو سيغتين زاكسيون عز وجل فهؤلاء المحرف يديز من طريقة أنهم يفسرون الصفة باللازم إيسكو سا إمبليك فالرضا Ça implique quoi ? Si Allah il est satisfait de quelqu'un, il le récompense. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Si il est satisfait d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il les récompense. C'est pour ça que dans beaucoup de versets, il y a la récompense. Yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, etc. Ça, c'est ce que ça implique. Fanahnu nu'min bis-sifa, on croit en l'attribut, al-rida, et kadhalik, on croit en la récompense. Allah, s'il est satisfait d'un qawm, il les récompensera. فهم ils expliquent l'attribut par la récompense et délaissent l'attribut فلهذا قال العلامة خليل الهراس رحمه الله فكل ذلك نفي si on revient à صفة الفرح qu'est-ce qu'ils ont fait قالوا أما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا انظر وتأمل ils ont expliqué الفرح أي la صفة qu'on vient d'étudier par الرضا لله أشد فرحا Donc Allah subhanahu wa ta'ala yafrah, eux ils ont dit c'est al-rida. Thumma vu que al-rida, kadhalik pour eux c'est une ressemblance aux créatures, ils ont encore fait une explication. Donc ils ont dit al-farah, on l'explique par lazim wa huwa ar-rida. Ar-rida, comme ils ont dit auparavant, c'est al-thawab. Donc al-farah, c'est iradatu al-thawab. هذه هي طريقتهم. قال العلامة خليل الهراس رحمه الله فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه. Est-ce que هؤلاء أثبتوا الفرح؟ لا. Ils ont accepté اللازم. لماذا ils ont pas accepté الفرح؟ لأن pour eux ça implique une ressemblance. قال أوجبه سوء الظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم انتهى. C'est quoi qui les a poussés à هذا؟ قال رحمه الله أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم. C'est pour ça que on a répété plusieurs fois أن la cause de l'égarement de هؤلاء c'est سوء الظن, avoir une mauvaise pensée d'Allah سبحانه وتعالى. Il y en a celui qui a une bonne pensée, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité, c'est le haq, wa qawluhu haq. Et rasuluhu, c'est le haq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé avec la vérité. Et son kitab, c'est le haq, il l'a révélé avec la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il a des attributs, il nous a informé qu'il ne ressemble pas à la créature. Celui qui a un husnul dhan, une bonne opinion, avec une bonne aqida bien sûr, il dira Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs, il ne ressemble pas à la créature. Alhamdulillah, la voix des salafs. Vu que là, ils ont un sourd dhan, ils peuvent pas dire que Allah il a ses créatures, ses attributs aqsud. Pourtant, ces attributs ils sont cités dans le Coran ou dans la Sunna du prophète alayhi salatu salam. C'est quoi qui les a poussés à hada? Cette mauvaise pensée qui est basée sur quoi? Anna al-makhluq, l'être humain, il se réjouit, il est content, il rit, il s'énerve, il est satisfait, il a de la miséricorde. Donc Allah il peut pas avoir ses attributs. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ses attributs dans le Coran? Et pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam il a cité ses attributs dans le Sunna? A antum a'lam amillah? Est-ce que ha'oula ils ont plus de ilm que Rabb subhanahu? Est-ce que ha'oula ils ont plus de ilm que le prophète alayhi salatu wasalam? Est-ce que ha'oula ils ont mieux compris que les compagnons radiyallahu anhum? C'est pour ça qu'il n'y a aucun doute en al-muharrifa c'est des égarés. Et il n'y a aucun doute que celui qui prétend « Annal Asha'ira » c'est « Ahl Sunna » ou « Ils font partie de Ahl Sunna » ou « Ce n'est pas des égarés » il n'y a aucun doute « Annal Qawluhu » il est complètement faux. « Ka'in al-mankan » l'annal haq il est wadih. « Haq il est wadih » et « Al-muhaqqiqoun min a'immati al-hadith » ils ont démontré l'égarement de cette secte et on l'a détaillé « Walillahi al-hamd » dans notre série sur les sectes. انتهى كلام الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه. On essaiera quand on finira les dorus de Al-Aqida Inch'Allah Ta'ala de réviser l'Aqida, tous les dorus qu'on a fait avec la lecture de l'explication de Cheikh Khalil Al-Harras رحمة الله عليه. Elle est mufida et elle est complète. Comme on essaiera de faire كذلك la révision de At-Tawhid avec قرة عيون الموحدين de Cheikh Abdurrahman et l'explication de Kitab Tawhid. C'est un charh mukhtasar et il est tayyib. نسأل الله التوفيق. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. وهذا c'est le hadith qu'on a vu dans notre dernier dars de شرح رياض الصالحين il y a deux jours. Al-Hadith, n'aam, il est fait sahihain. قال وهذا أيضا من كمال وكمال إحسانه وسعة رحمته. N'aam, من كمال وكمال. وهذا أيضا من كمال وكمال إحسانه. N'aam, dans ma nusra, كأنه il y a une répétition. قال فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا وهذا من تنويع جوده المتتابع على عباده من كل وجه. L'explication du hadith أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين. الضحك donc c'est un attribut qui est cité dans ce hadith qui est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. الضحك c'est le fait de rire. فالله سبحانه وتعالى يضحك. Pourquoi? أن هذين الرجلين يغنتخون في الجنة. Pourtant, واحد il a tué l'autre. فكما قال الشيخ السعدي رحمه الله كما تقدم معنا في شرح رياض الصالحين أن un des deux c'était un kafir, il a tué le musulman. Donc le musulman il s'est fait tuer et on s'était demandé dans شرح رياض الصالحين dans le hadith c'était pas précisé est-ce que c'est في المعركة أم لا est-ce que c'était dans une bataille أم لا et كلام الشيخ السعدي رحمه الله il montre que c'était في سبيل الله يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر. فهنا il a précisé. Ce musulman donc il s'est fait tuer et vu qu'il a subi cette injustice et s'il s'est fait le jihad, s'il se fait tuer, il a le rang de martyr. Idnillahi Azza wa Jal, il rentrera fil jinn. Huna c'est clair. Baqiya le meurtrier. Ce meurtrier qui a tué ce musulman injustement, yatoub. Et après ce meurtre, il fait tawba. Il se repent. C'est pour ça que l'imam Nawawi, rahimahullah, il a cité ce hadith du kitab tawba. Thumma, yamout huwa. نفسه يموت lui aussi il meurt. نعم القادر في هذه الإسلام فيدخلنا الجنة جميعا. Vu que ce kafir il se convertit et dans le hadith في رياض الصالحين la رواية qu'on a lu c'est précisé أنه يقتل في سبيل الله il meurt في سبيل الله donc il rentre في الجنة. Donc les deux ils rentrent في الجنة. فالله سبحانه وتعالى يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال الشيخ سعدي رحمه الله والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها ينظر كذلك هذا في صفة العجب وهذه الحالة المذكورة كذلك فإن التسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر الأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة. En général, on a cette pensée. Si un kafir tue un musulman, ils oublient que son avenir n'est pas scellé à cet homme. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est Tawwab, c'est Rahim, il guide qui il veut. Mais beaucoup de gens pensent que cet homme il mourra mécréant. Il a tué un musulman, c'est un mécréant, il mourra mécréant. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il yadhak. Vu que c'est une chose qui sort de l'ordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala yadhak li dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. قال ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المتوهمون وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله أي لعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مر إلى un dua في القنوت على بعض رؤوس المشركين اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان اي يا الله مودي انتل مودي انتل واللعن سأطرد من رحمة الله. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de maudire un vivant. وبعض أهل العلم يقولون حتى الكافر bien sûr المعين أما الكافرين on a le droit. لعنتullah على اليهود والنصارى. Le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a dit, ça c'est permis. لكن une personne précise on n'a pas le droit. لماذا؟ لأن اللعن سأطرد من رحمة الله. Et on ne sait pas est-ce que cet homme ou cette femme qui font partie des kuffars, on ne sait pas est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va leur pardonner ام لا. Peut-être qu'ils vont se repentir. Donc tant qu'ils sont vivants les يجوز. C'est ça le قول الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة لعن ثم الله سبحانه وتعالى. On continue avec le Cheikh Saadi avant de lire le verset. قال على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. أي ce verset montre أن الله سبحانه وتعالى fait ce qu'il veut. الله سبحانه وتعالى guide qui veut, il égare qui il veut. من حكمته عز وجل et الله سبحانه وتعالى sait tout ce qu'il fait, c'est fondé sur la sagesse. Anahu il a guidé Haoula, certains de Haoula, min ru'asa al-mushrikin. C'était des guides, des têtes dans le coffre et dans la mécréance. Et ils combattaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé certains parmi eux. Wa min hikmati azza wa jalla, anahu il n'a pas guidé son oncle, qui l'a défendu et qui prenait soin de lui. Pourquoi? Li'anna Allah azza wa jalla, il fait ce qu'il veut et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et si Haoula, ils ont été guidés, c'est qu'ils méritaient. Et si son oncle n'a pas été guidé, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été injuste. هكذا عقيدة المؤمن. الرافضة الزنادقة vu qu'ils ont une mauvaise عقيدة بل c'est des كفار بإجماع العلماء أي les روافض qui disent que qui insultent Abu Bakr, Omar, Aisha, Uthman, radiyallahu anhum, qui prétendent que le Coran a été falsifié. Il n'y a aucun doute sur leur kufr. Ils n'acceptent pas. Et il y a ta'anouna. Mathalan, fi Abi Sufyan, le père de Muawiyah, radiyallahu anhum, ajma'in. Limada li anna Abu Sufyan, il faisait partie au départ de ceux qui combattaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, à Uhud. C'était lui le chef de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé. Et hum, ils prétendent que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il est mort à l'Iman. Pour eux, c'est un croyant. Pour eux, il est meilleur que Abu Bakr, Omar, Uthman, radiyallahu anhum ajma'in. Limada, il y en a l'aqid. Leur cœur, il est fondé sur le kharab. Leur cœur, il est fondé sur al-shak ou al-kufr. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas ça. Amma al-mu'min, il a cette aqida, anna Allah azza wa jal, il fait ce qu'il veut. قال فتاب عليهم بعد ذلك وحسن اسلام كثير منهم الله سبحانه وتعالى il a guidé beaucoup de هؤلاء. Et في الحاشيه قال اخرجه البخاري. نعم. Donc على كل حال الله سبحانه وتعالى il a cet attribut الضحك. قال العلامه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه dans son شرح عند الحديث لو قال قائل المراد بالضحك الرضا لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك أهل التعطيل vous avez remarqué le même procédé que الشيخ الهراس رحمه الله il a cité dans son شرح هم ils vont dire الضحك c'est الرضا comme ce qui est cité dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anh, etc. Thumma al-rida, ils disent, vu que l'être humain il a al-rida, et Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble par l'être humain, etc. Al-rida pour eux c'est al-thawab, c'est la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala s'il est satisfait de quelqu'un, en fait il va le récompenser. C'est pas une vraie satisfaction, ça veut dire récompenser. On revient toujours à la même chose. Ils expliquent la sifa par le lazim, par ce qu'elle implique. Est-ce que cet attribut l'implique? La chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est satisfait de quelqu'un, il le récompensera. Lakin, on ne rejette pas l'attribut. Là, on accepte l'attribut et on accepte ce que ça implique. Qala, rahimahullah, wal murad bil rida al-thawab, ou iradatu al-thawab. Qala fal jawab. Qu'est-ce qu'on répond à haoula? An naqul hada tahrifun lil kalim an mawadhi'i. Fama alladhi adrakum anna al murad bil rida al-thawab? Su'alun jamil. Une question très simple. Qui c'est qui les a informés que c'était pas un rida haqiqi et que c'était la récompense? Et Allah subhanahu wa ta'ala il peut pas être satisfait. Là, Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu dire la récompense. Man akhbarahum bihada? Pourquoi le prophète alayhi salatu salam il nous a pas informé bihada? Qala alayhi salatu salam yadhhaku Allah ila rajulayn. Pourquoi le prophète sallam il a pas parlé de récompense de rida? Il a dit yadhhak. قال فانتم الان قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين. Là il parle sur Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm, sans science à cause de deux choses. قال الوجه الاول, le premier point, صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. Hey, vous avez déformé l'apparence du texte sans science. Le prophète sallam qala yadhhak, vous vous dites c'est ar-rida. C'est la satisfaction et vous dites la satisfaction c'est la récompense. Oh Allah il veut récompenser. Le deuxième point, athbattum lahu ma'na khilaf adh-dhahir bila ilm. Na'am. Donc vous avez déformé l'apparence du texte et le deuxième point, vous avez donné un sens qui n'est pas cité dans les textes. Et la sifa n'a pas été expliquée par ce sens dans les textes là. Ça c'est al-lazim, c'est ce que ça implique. On est tous d'accord en Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est satisfait d'une personne, il la récompense, ça c'est ma'rouf. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a été satisfait des compagnons, radiyallahu anhu, mais les compagnons, ils rentreront au paradis, on n'a aucun doute fi hada. Lakin, al-mas'ala, c'est est-ce que Allah, il a cet attribut, amla? Fahum, ils acceptent pas. C'est pour ça que al-muharrifa, c'est des mu'attila. Même s'ils ont accepté certaines sifat, et taqadda ma'ana, certaines sifat qu'ils ont acceptées, ils les ont déformées aussi, فايز رجوتي بوكو دو صفات. ثم نقول لهم، هذا كلام شيخ ابن تيمية، الإرادة إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه تنتقض قاعدتكم، لأن للإنسان إرادة. Eux ils disent on peut pas dire al-rida, on peut pas dire al-dhahik, on peut pas dire al-farah. Tous ces attributs on peut pas dire. Pourquoi? Parce que l'être humain il les a. Cheikh Al-Uthaymeen قال votre règle elle tient pas debout. Pourquoi? Parce que vous dites, vous avez remarqué qu'ils expliquent tous ces attributs par l'irada. Irada tu thawab, irada tu al-iqab pour certains attributs comme on va voir al-ghadab etc. Donc Cheikh Al-Uthaymeen هنا il a cité Nahum, ils acceptent sifat al-irada. Et on l'a vu dans les sept sifat qu'ils acceptent. قال Cheikh Al-Uthaymeen لأن للإنسان إرادة. Pourquoi leur qaïda ne tient pas? Parce que l'être humain il a de la volonté كذلك. ثم إلى سيتي الدليل كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Certains d'entre vous ils veulent الدنيا et d'autres parmi vous ils veulent l'au-delà. منكم من يريد, c'est les êtres humains. منكم et parmi vous, parmi les êtres humains, certains veulent الدنيا. Donc certains êtres humains ils veulent. On est tous d'accord, on a l'insan il a l'irada. Enfin, pourquoi ils ont accepté l'irada alors que l'être humain كذلك il a de la volonté. قال الشيخ ابن عثيمين فللإنسان إرادة بل الجدار إرادة كما قال تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. نعم أي في سورة الكهف. فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وإن كان للمخلوق نظير نظيره في الاسم لا في الحقيقة. هذا الكلام اللي مفيد. أولا سنمدخلنا المحرف الأشاعرة كذلك الكلابية والماتريدية. On cite beaucoup والأشاعرة. Pourquoi? لأن c'est la secte qui est connue à notre époque et qui s'est propagée. وإلا فالماتريدية والكلابية c'est le même groupe. Ils ont quelques divergences لكن c'est la même base. التحريف. هؤلاء ils se contredisent. Pourquoi? لأنهم ils ont accepté certaines صفات مثلا الإرادة et ils ont rejeté d'autres alors qu'ils ont une base. Pour eux, si tu dis qu'Allah il a tel attribut, tu le fais ressembler à la créature. Mathalan, al-dhahik. Ils disent que l'être humain, il rit. Et si tu ris, c'est que tu as une bouche, tu as des dents, tu as une langue. Il a akhri. Ils décrivent l'être humain. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas avoir hada. Et on leur dit, l'irada, l'être humain, qu'il a une volonté. Mathalan, tu as envie de manger, tu as envie de te lever, tu as envie de dormir. Donc est-ce que ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne va pas dire qu'il a. Ou on va refuser. On va rejeter l'attribut de l'irada parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut pas avoir cet attribut parce que l'être humain il l'a. Imma ils acceptent la voie de Ahl al-Sunnah, ils acceptent tous les attributs. Imma ça devient des mu'attila clairs comme le mu'tazila, comme le jahmiya qui ont rejeté tous les attributs. Imma al-muharrif al-ash'ari ils se sont mis entre les deux. Ils se sont mis entre les deux. Ils n'ont pas accepté la voie de Mu'tazila dans beaucoup de choses. Et ils n'ont pas accepté la voie de Ahl al-Sunnah dans beaucoup de choses. C'est devenu un groupe à part entière et un groupe égaré. Wallahu a'lam. Thumma qala wa in kana lil makhluq nadhiruhu fil ism la fil haqiqa. Ça, c'est la célèbre règle qu'on a citée beaucoup de fois, que l'ulama cite et que tu dois comprendre. Akhil Karim, si tu veux comprendre hadha al-bab, anna al-ishtiraku. في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى له صفة الإرادة. الله سبحانه وتعالى يريد. On a beaucoup d'adilla qu'on a vu auparavant et qu'on reverra inshallah. L'être humain il a صفة الإرادة. إرادة إرادة. يريد الله أن يتوب عليكم. يريد. Et هنا منكم من يريد. Vous avez vu, c'est le même mot. يريد, يريد. Est-ce que ça veut dire que c'est le même attribut? أبداً. Donc, الاشتراك, le fait que les deux mots, ils ont la même construction, les mêmes lettres, tu les prononces pareil, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. وتقدم معنا أن l'être humain, أو المخلوق, أحياناً, ils ont deux attributs. C'est les deux mêmes mots, لكن ce n'est pas le même attribut. مثلاً, est-ce que la force d'un chat, c'est la force d'un lion? Est-ce que la force d'un être humain, c'est la force d'un éléphant? Voilà. Est-ce que la vue d'un être humain, c'est la vue de certains oiseaux ou de certains animaux qui voient très très loin? Le nom, c'est pareil, lakin, la chèque, il y a une énorme différence. Hada fil makhlouq. Fil makhlouq, fa rabbu al makhlouq, tu ne peux pas le comparer. Fala yuqas ala khalqihi azza wa jalla. On n'a pas le droit de faire cette comparaison. Les madal et anas, c'est la base de l'égarement dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما الفائدة المسلكية الشيخ ابن عثيمين إلى السيتي رحمه الله قال هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير. Et ça c'est une bouchra عظيمة pour le mu'min. Si Allah سبحانه وتعالى يضحك مثلا يضحك par rapport à ces deux hommes أنهم les deux rentreront في الجنة alors que واحد il a été injuste envers l'autre لكن الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut et il a fait miséricorde à ces deux hommes et il les fera rentrer au paradis. هذا vu que Allah subhanahu wa ta'ala yadhhak liyada, ça nous encourage. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est rahim, il est ghafour. Azza wa jal. Hada wallahu a'lam. Baqi à la troisième sifa, qui est simple et qu'on va lire, inshallah ta'ala, wa hiya. Qawl al-imam Nutaymiyyah rahimahullah. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ajiba rabbuna. من قنوط عباده وقرب غيره في هذه النسخة il y a une fatha sur le qaf قنوط et dans les autres nusakhs قنوط والقنوط معروف وقرب غيره وبعضهم ils écrivent غيره بعضهم خيره et الذي يظهر غيره أي le mot تغيير ça vient du mot تغيير أي le fait de changer. Le fait de remplacer. قال ينظر إليكم أزيلين. Dans cette nusra, on a un sukun sur le zay. C'est une erreur. Cette nusra, il y a cette taba que j'ai. Pardon, c'est la première taba. Elle date de quelques années. Il y a certaines erreurs d'impression. Voyez là, ceux qui ont une nusra, une version plus récente de cette taba, taba Dar ibn al-Jawzi, il y aura beaucoup moins d'erreurs. قوله أزيلين. الأزل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الواقع في الشدة c'est celui qui est dans une situation difficile. قانتين c'est celui qui désespère. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أي معنى الحديث avant de lire كلام الشيخ سعدي رحمه الله pour clarifier et simplifier. عجب الله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أي الله سبحانه وتعالى يتعجب من صفة ثابتة لله عز وجل ينظر إن شاء الله le sens من قوم أي certaines personnes ils désespèrent alors que le changement et الفرج la délivrance elle arrive bientôt لكن تعلمون أن الإنسان خلق من عجل أن الإنسان il se précipite et beaucoup de gens ils ne patientent pas فالله سبحانه وتعالى يتعجب لذلك. Ça nous montre, quand on est touché par une épreuve, ne pas se précipiter. Tu éprouves un jour, deux jours, une semaine, ça passe très très vite et le faraj il arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Wa yata'ajjab li dhalik. Qala yanzur ilaykum azilin qanitin fayadhal yadhhak ya'lam anna farajakum qarib. Allah subhanahu wa ta'ala, yadhhak. On a kadhalik ithbat sifat al-dhahik dans ce hadith. Limadha liannahu, il sait que la délivrance, elle arrive bientôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Et il connaît la situation de ce Ubb qui est triste, qui est désespéré. هذا الحديث il est ضعيف. Ce hadith il est faible. قال في الحاشية أخرجه ابن ماجة والإمام أحمد في المسند. Cheikh مقبل رحمة الله عليه dans son تحقيق de تفسير ابن كثير il l'a ضعف. Il a rendu faible ce hadith. وللفائدة الشيخ مقبل رحمه الله il a pas fini ce tahqiq. Il a fait le premier مجلد سورة البقرة et قليل وإلا il a pas pu finir il est mort avant رحمه الله عليه. فعلى كل حال ce hadith il l'a ضعف dans تحقيق تفسير ابن كثير. والإمام الألباني كذلك رحمه الله il l'a ضعف ثم تراجع. Au début il l'a rendu faible شيخ الألباني ثم il l'a authentifié ou il l'a rendu hassan. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé des autres chaînes de transmission qui, pour lui, rahmatullah alayhi, renforcent ce hadith, et ce hadith daif, Et il l'a rendu Hassan comme fi sahiha. Le hadith il est daïf. On peut citer Birtisar Kalam al-Sheikh Kamal al-Adani rahmatullah alayhi dans son tahqiq de Sharh al-Wasitiyya li Khalil li al-Allama Khalil Harras rahmatullah alayhi, et il a cité al-ilal. On essaye de les simplifier. Il a montré rahimahullah al-hadith il est daïf. ثم قالوا له الشاهد من حديث عائشة لا يفرح به ففيه متروك. ثم il a cité. Avant de continuer, vous avez remarqué que la plupart des savants ils sont d'accord que le hadith, la chaîne de transmission, elle est daïf. Lakin, est-ce que les autres chaînes de transmission elles renforcent cette chaîne qu'on a amla? Cheikh Al-Albani, après une étude, il a renforcé le hadith, il a dit il est hassan. Lakin, les autres chaînes de transmission, comme قال هنا, dans une chaîne de transmission, فيها متروك. Et le matrouk, on ne peut pas renforcer un hadith. Le matrouk, c'est un dhaf shadid. C'est une faiblesse trop grande. On ne peut pas s'en servir fi shawahid ou al mutaba'at. Qala, il a cité la première chaîne de transmission. Wa fiha Waqi' ibn Udus. Et il est majhoul. Waqi' ibn Udus, il est majhoul. On ne connaît pas sa situation. Donc, le hadith, cette chaîne de transmission, elle est faible. Une autre chaîne de transmission. Min tariq Abdurrahman ibn Iyash. عن دلهم كأنه هكذا دلهم ينظر ضبط اسم هذا الراوي عن أبي عن عمه لقيت بن عامر ثم قال وفيها عبد الرحمن بن عياش ودلهم وأبوه جميعهم مجاهيل عبد الرحمن بن عياش son père ودلهم وأبوه هؤلاء كلهم c'est des مجاهيل أي on connaît pas leur situation ثم une troisième chaîne de transmission قال فيها خارج ابن مصعب إلى متروك. متروك c'est très très grave. Tu peux pas accepter son hadith. متروك. إما c'est un menteur. إما قال وغير ذلك. Donc la خلاصة c'est que le hadith il est ضعيف. ويغني عنه يغني عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أي vu que ce hadith il est faible, on ne peut pas le prendre comme argument, comme preuve, comme source pour dire que Allah il a cet attribut, al-ajab, ou al-ta'ajab, il nous faut un autre dalil. Et il y a plusieurs adillah fi al-sahihayn, ou fi ahadihima. Parmi ces ahadiths, hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. Un homme qui avait besoin, qui était dans le grand besoin, et il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses femmes est-ce qu'il y a quelque chose à lui donner, et elles ont juré والذي بعثك بالحق, et celui qui t'a envoyé avec la vérité, et Allah azza wa jalla, elles ont juré par Allah ما عندي إلا ما, elles avaient que de l'eau. Chez lui, ta'ammalou. Tout ça, nous, on est fi ni'ma azima. On est dans une très très grande ni'ma, laquelle on est fi ghafla kadhalik. On est dans l'insouciance. Ba'd an-nas, que ça soit homme ou femme, fi hada, quelque chose, il manque fi le bayt. Ahyanan, c'est pas min ad-daruriyat. Bal ahyanan, c'est pas min al-hajat. Ahyanan, c'est quelque chose, c'est même pas utile. On dit même pas quelque chose en plus. Ahyanan, c'est quelque chose de même pas utile à la base. Et tu vois certains comportements qu'annahu l'insan il a rien. T'entends Bardonnaise parler, c'est comme s'ils avaient rien. Alors que walillahi alhamd, ils ont ce qu'il leur faut et ils ont plus. Et ils ont certaines choses encore plus. Lakin hakadha l'insan. Quand il a beaucoup, il oublie. Baytu an-nabi alayhi salatu wassalam ma fihi illa ma. Il n'y a rien comme nourriture sauf de l'eau. Et dans le hadith Aisha radiyallahu anha, annahum pendant des mois, ils n'ont pas allumé le feu, inda an-nabi alayhi salatu wassalam, le feu pour cuisiner. Et ils lui ont demandé, comment vous faisiez, ya Aisha? Elle a dit radiyallahu anha, al-aswadan. Al-aswadan, ay al-ma wa al-tamr. L'eau et des dattes. Quand tu trouvais des dattes, radiyallahu ta'ala anhum wa alayhi salatu wassalam, qala, ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. Ça c'est toutes ces femmes عليه الصلاة والسلام. Allah a mis en avait combien à cette époque? 5, 6, 7, 8, 9, alayhi salatu salam, toutes elles ont dit la même chose. Il n'y a que de l'eau chez elles. Il n'y a rien à donner. Faqala, alayhi salatu salam, man yudhif hadha al-layla rahimahullah. Le Nabi salatu salam, il a dit, qui c'est qui prend soin de cet homme cette nuit? Et il a fait hadha al-du'a, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Du'a un azim. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم c'était أحرص الناس على الخير ils aimaient faire le bien. Quand il a entendu هذا, un homme parmi les Ansar il s'est levé, il a dit أنا j'accueille cet invité cette nuit. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبيان. Ce sahabi, radiyallahu anhu, quand il est arrivé chez lui, il a demandé à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à donner à cet invité? Elle lui a dit, là, on dort. Sahabi, radiyallahu anhu, lui-même, il n'a rien. Il a accepté. Pourquoi? Parce que c'était l'invité du prophète, et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce dua. Et que cet homme, c'était un sahabi, c'était un compagnon, il est en difficulté. Il n'a pas voulu le laisser. Il arrive chez lui, il n'y a rien. Il n'y a rien, sauf un peu pour l'enfant. Ils avaient un enfant en bas âge, et ils avaient un peu pour lui. فقال فانطلق به الى رحله فقال لامراته هل عندك شيء قالت لا الا قوت صبيان قال فعلليهم بشيء اي ils étaient plusieurs les enfants فاذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه انا ان ناكل انظر اولا نستفيد من هذا ان هذه المراه لبيسا صومالي. Elle n'a pas dit « Là, mais pourquoi tu ne penses pas à nos enfants? Pourquoi tu fais passer lui avant? Aïna, nos hukouk, ils sont nos droits. » Abadan. Limaada, li'anna, elle savait que son mari, s'il a pris cette décision, c'est pour le bien de tout le monde. Et kadhalik, elle savait annahum si'idan, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner quelque chose de meilleur. Falastavid minaada, anna la femme, si elle voit son mari faire du khayr, si elle sait que son mari, il veut le bien, elle doit l'aider. Et pas toujours les atirat. Il dit une chose, là, il faut dire le contraire. Et tout ça au nom de la sunna inda al-ba'al. C'est pas ça, sunna. La sunna, c'est d'obéir au mari. Sauf fil ma'asiyah, sauf dans un péché. Mais on a, c'est pas un péché. Bel c'est min al-khayr. Faqala, quand je vais rentrer avec l'invité, tu poses le peu de nourriture qu'il y a. Awoulan, tu fais dormir les enfants et t'essayes de les faire dormir avec quelque chose, avec un jus, avec Mohim qui s'endorme, ils oublient la nourriture. Thumma, le peu qu'il y a, tu le poses dans un plat et tu éteins la lumière. Hatta, ils pensent qu'on mange avec lui. Limada li anahu, il n'y avait pas assez. Qala, fa idha ahwa li ya'kula, fa qumi ila siraj, hatta tutfi'i. Et quand il va commencer à manger, on va commencer à manger, éteins la lumière. Allah, éteins la lumière. Donc cet homme, il ne savait plus qui c'est qui mange et qui c'est qui ne mange pas. Il pensait que tout le monde mangeait. قال فإذا أهوى أو قرأنا قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. انظروا la récompense que cette femme a eue. رضي الله عنها. Elle a obéi à son mari et son mari l'a obéi au prophète alayhi salatu wasalam. Ça nous montre celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné d'obéir, le mari pour la femme, le gouverneur pour tout le monde, le père et la mère pour l'enfant, annahu, tu ne seras jamais perdant. Ils ont été dans une difficulté. Là, chaque annahum, c'est des êtres humains, ils ont eu faim. Et à l'amour, quand tu as faim et tu vois quelqu'un manger, ça te donne faim. Cette situation, elle n'est pas facile. Là, au bout de minas sabr. Lakin, c'est quoi le résultat? Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi as-samawat ta'ajjaba min sani'i ha'ula radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain, il a dit qad adiba Allah min sani'ikuma bi dhayfikuma al-layla. On revient à notre dars al-an. On lira kalam Cheikh Ibn Uthaymeen sur l'ajab pour expliquer hada al-hadith. Hatta la yadhun ahad anna al-ajab traduit par l'étonnement, s'étonner. Ne pas comprendre que Al-Ajab, Huna, fi haqqillah azawajal, c'est précédé par l'ignorance. Abadan. Et on verra Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Qabla dhalik, naqra Kalam Cheikh Sa'di. Qala, et on a cité ce hadith, il est fi as-sahih. Et il y a d'autres hadiths fi ithbat al-hajab. قال وهذا العجب هذا كلام الشيخ سعدي رحمه الله وهذا العجب الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة الله وهو من كماله تعالى والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته toujours la même chose ان c'est un attribut d'Allah عز وجل et ne pas croire que c'est une ressemblance à la créature فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط il explique le hadith qui est dhaïf à la base. Anna nas, na'am, quand il ne pleut pas, ils sont touchés par la sécheresse, kathir minhum, ils désespèrent. قال وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. بعض الناس صحيح, ils ne regardent pas assez loin. L'insan daima essaie de voir très très loin. Allah subhanahu wa ta'ala, si t'as éprouvé aujourd'hui, c'est pour ton bien. Et n'oublie pas, avec la difficulté, d'aïman s'est suivi d'une facilité. قال وهذا محل عجب كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله من الأسباب ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة يعجب أن يكون نعم يعجب أن يكون الفضل لله وإحسانه موقع كبيرا وأثرا عجيبا كما قال تعالى نعم أولا يا دي أسباب عفير même si on est dans une difficulté الدعاء etc الصبر faire du bien الله سبحانه وتعالى يفتح على المؤمنين قال بعد ذلك كما قال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين لمبلسين أي آيسين قانتين كما قال الشيخ سعدي رحمه الله dans son tafsir أي quand ils sont touchés par un bien La pluie, mathalan, فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءَ يَسْتَبْشِرُونَ Ils sont contents, etc. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلْ عَلَيْهِمْ Avant que cette pluie, elle descende, ils désespéraient. هَكَذَا La plupart des gens, ils sont. وَاللَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ مِنْ أَلْطَافِهِ وَعَوَائِدِهِ الْجَمِيلَ أَنَّ الْفَرَجْ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ الْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ كما جاء في الحديث. دائما الفرج مع الكرب. Al-Karb, c'est une épreuve, tu es triste, tu es touché par un mal. Da'iman, ce mal, il est accompagné de Al-Faraj. Al-Faraj, c'est la délivrance. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvrira les portes. Wa anna al-yusra ma'al-usra. Da'iman, quand tu es touché par une difficulté, n'aie aucun doute. Anna, la difficulté, elle est toujours accompagnée par une facilité. Pour celui qui voit loin, et pour celui qui n'est pas dans l'insouciance, et pour celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, قال وأن الضرورة لا تدوم فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع نعم حصل مع ذلك قوة نعم وشدة نعم قال فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع كثير ودعاء فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال وفي لفظة قرب خيره رويت في بعض الأحاديث بلفظة غيره هذا الذي يظهر دس حديث قال أي تغييره الشدة بالرخاء قوله وأن الضرورة لا تدوم هذه سن فائدة الضرورة أي الشدة الامتحان البلاء لا يدوم l'épreuve elle dure pas c'est pour ça que celui qui est éprouvé et qui se rappelle de هذا الكلام المفيد tu es touché par n'importe quelle épreuve maladie pauvreté une accusation une injustice ça dure pas سيأتي الفرج في الدنيا وفي الآخرة ici-bas ou dans l'au-delà Ton épreuve, elle s'arrêtera. Thumma, une autre épreuve, elle viendra. Thumma, elle s'arrêtera. Hakada dunya, jusqu'à ce que tu meurs. Thumma, dans ta tombe, une épreuve. Dhammatul qabr, awalan. Thumma, al-fitna, le su'al de munkar wa nakir. Une épreuve. Hakada hatta al-insan yarta'a. Fi yawm al-qiyama, des épreuves. les comptes, kada, l'attente, le sirat, une épreuve. Fali hada, les épreuves, elles s'arrêteront quand le mu'min il posera son pied fil jannah. Huna, toutes les épreuves, elles s'arrêtent. À partir de ce moment, c'est les bienfaits, les délices éternellement. C'est pour ça qu'il faut patienter. Hein, on fait étape après étape. Ta jeunesse, tu as eu des épreuves. Ton enfance, tu as eu peut-être des épreuves. Ta jeunesse, des épreuves. Tu auras des épreuves dans ta vieillesse. Thomas, tu auras des épreuves après ta mort. Jusqu'à le jannah. On doit se préparer. Et les épreuves, ça ne dure pas. Vous avez remarqué, prends l'exemple du sirat. Elle ne durera pas. Elle ne durera pas au début. Les mu'minoun, certains ils vont passer très vite, certains doucement. Les mu'minoun, ils tomberont dans le sirat. Et ils iront en enfer une période. C'est une énorme épreuve. Allah alam combien d'années, Allah alam combien de jours. Ça s'arrêtera tant que c'est des croyants. Et ils rentreront en fil jannah. Et il est mu'aqqat. Et ça, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que beaucoup de gens, ils oublient ça, ils sont touchés par une épreuve, ils réagissent comme si ça allait toujours durer. Ça leur fait beaucoup de mal. Mais si tu sais que ça va s'arrêter, alhamdulillah. Si tu sais que ça va s'arrêter, c'est une rahma et c'est une ni'ma. Ça s'arrêtera. Pense comme ça. Ne pense pas l'inverse, comme certains, ils voient que le mal. Là, tu dis, alhamdulillah, je suis touché par une musiba, ça s'arrêtera. Et kadalik, ça m'enlève des péchés. Et kadalik, inshallah, je suis récompensé. Et kadalik, c'est pas une fitna dans mon dîn. Et kadalik, certains, ils ont beaucoup plus d'épreuves que moi. Alhamdulillah, tartah. Ila akhir, kalamuhu, il est wazih. Fa, ala kulli hal, nusvit, sifat, al-ajab lillah. Et on finit avec kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen. قال dans son شرح شيخ ابن عثيمين العجب هو استغراب الشيء ويكون ذلك لسببين استغراب الشيء اي سانتونمون en français traduit par étonné العجب او en arabe ils disent كذلك التعجب هذا يكون لسببين اي ce qui va provoquer cet étonnement c'est deux choses deux causes الاول خفاء الاسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث ياتيه بغته بدون توقع وهذا مستحيل على الله تعالى. La première cause, pourquoi l'étonnement il arrive, c'est quoi la cause? C'est quand l'insan il ne s'y attend pas. هذا لا يثبت لله. Ça c'est عجب أو تعجب المخلوق. Maintenant, tu peux être étonné de voir quelqu'un. Tu ne t'y attendais pas. Tu pensais qu'un tel il a voyagé, un tel il n'était plus dans cette ville, dans ce pays, et tu le vois. T'as تعجب. Hélène, tu es convaincu d'une chose et après tu vois le contraire, tu es étonné. Et tu te poses des questions et tu demandes. هذا في حق الله, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Allah, il sait tout. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi معنى العجب dans ce hadith? Le hadith sahih qu'on a lu, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Et كذلك, on est obligé de citer قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون على قراءة. أما بعض الأئمة ils ont lu différemment قوله بل عجبت ويسخرون وفي قراءة بالضم une lecture donc dans le Coran c'est بل عجبت ويسخرون et une lecture بل عجبت ويسخرون وفي قراءة بالضم التاء وممن قرأ بها حمزة والكسائي et les autres ils ont lu بالفتح بل عجبت أي الله سبحانه وتعالى. Donc dans une lecture, le murad c'est Allah سبحانه وتعالى. Donc c'est un dalil que صفات العجب elle est ثابته في القرآن. Et les deux lectures elles sont authentiques كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله. قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار فأيتهما في قرأ القارئ فمصيب. نعم. Les deux lectures elles sont justes. Et les lectures Walillahi hamd des Qurra, elles sont authentiques, les ulama les ont acceptées. Hadith, c'est une faïda qu'on avait oublié de citer. Donc on a un dalil min le Qur'an à la qira'a, qira'at al-kasa'i wa hamza, rahimahoullah, et on a des adillah min al-sunna. On revient à sifatul ajab, donc le sens c'est quoi? قال الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله وهذا ثابت لله العجب en langue arabe كما بين الإمام ابن تيمية رحمه الله وبعض أئمة اللغة et هنا شيخ ابن عثيمين il a résumé الأقوال أن l'étonnement هنا أي c'est une chose qui sort de l'ordinaire فالله يتعجب با باسكو نو سافي با معاذ الله الله سي تو لكن فيك سي اون شوز كي سور دو لوردينير الله يتعجب يالله سي لوي كان ديكريتي سيت شوز مثلا سو صحابي كي اكويي سيت انفيتي ليستوار كون ا لو حديث ابي هريره رضي الله عنه سي الله سبحانه وتعالى كاكري ces êtres humains qui ont fait cette chose. C'est Allah qui a décrété cette chose. Là, chacun en a le sait. Lakin yata'ajjab. Pourquoi? Parce que cette chose, elle sort de l'ordinaire. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Non. Il y en a, normalement, wahed, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? Il aurait emmené cet invité, il aurait laissé une petite part à ses enfants, et il aurait donné une petite part à l'invité, il aurait mangé ou une petite part, ça aurait été tout à fait normal. Ben, on aurait dit, أنه ما شاء الله أنه il a donné à cet invité alors qu'il a pas beaucoup. هذا il a été plus loin et c'est très très rare في هذا الحال أنه il a tout donné à cet invité. هذا هو المعنى. أما المعطلة bien sûr ils ont rejeté هذه الصفة et كذلك المحرفة لأن pour eux العجب التعجب c'est fondé sur l'ignorance. Si tu es étonné c'est que tu ne savais pas. C'est pour ça que tu es étonné. Ils ont pris qu'un sens et ils ont oublié l'autre sens. Ça nous montre, quand on a un verset du Coran ou un hadith, un mot qui a plusieurs sens et certains sens ils sont mauvais ou faux et un sens est le sahih, l'échec que ce mot va l'expliquer que le sens sahih. Pourquoi? Parce que Kalamullah, il est parfait. Le Coran, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah, il est parfait. Il ne peut pas impliquer un mauvais sens. Naktafi bihada, wallahu ta'ala a'lam. Et demain, bi'idnillahi azza wa jal, on continuera la lecture de هذا الشرح المهم et on passe à notre deuxième درس بتوفيق الله عز وجل.